Le Tao a produit 1. 1 a produit 2. 2 a produit 3. 3 a produit tous les êtres. Tous les êtres fuient le calme et cherchent le mouvement. Un souffle immatériel forme l'harmonie. Ce que les hommes détestent, c'est d'être orphelin, imparfait, dénué de vertu. Et cependant les rois s'appellent ainsi eux-mêmes. C'est pourquoi parmi les êtres, les uns s'augmentent en se diminuant, les autres se diminuent en s'augmentant. Ce que les hommes enseignent, je l'enseigne aussi. Les hommes violents et inflexibles n'obtiennent point une mort naturelle. Je veux prendre leur exemple pour la base de mes instructions.